T'es pas mon flow, ma gueule on sait que t'es brave. Mais tout le monde te dit que t'es grave. Et dès que tu nous vois t'es navré. C'est pas de notre faute, t'es naze, mec. On veut bien partager. Fais pas le mec qui est vénère, sinon on terrasse. T'es pas mon flow, ma gueule on sait que t'es brave. Mais tout le monde te dit que t'es grave. Et dès que tu nous vois t'es navré. C'est pas de notre faute, t'es naze, mec. On veut bien partager. Fais pas le mec qui est vénère, sinon on terrasse. J'ai que t'as envie de dégrade, t'appelleras ça ta thérapie. Pour te revendre ta merde radiophonique à une pute de DA qui pion se faire opéra. Pendant que tu chiales, nous on kéra. On paiera pour contre-attaquer ta dope discographique. Reprendre notre tu et stopper notre trafic. Les flics c'est pourri, veulent notre peau. Cette ribambelle d'homo me sort par les yeux. Mesdames et messieurs, pour qui vous prenez-vous pour des dieux? Prépare-toi pour mon gang bang vocal. Nous on fait pas de rap tocard. On met pas de sky dans le coca. Crois-tu avoir pris le bon numéro? Crois-tu être un bon hétéro? Bon, soyons réglo, gros, fais pas le mytho. On sait très bien que tu veux pas finir dans le métro. Cesse ton baratin et tous tes baragouinages. Avec ton style de catin et te moque sous le petit string en satin. Ton entourage, tu craches dessus, ta pute te marche dessus. Ta vie est sans dessus dessous, mais que te reste-t-il? Si ce n'est que cracher ta colère sur une prod du sud. Eh, on t'avait dit qu'on est acharné, pas prêt à te charmer. Lâche-moi tes coordonnées, je te rappelle la soirée. Voir si y'a moyen de te fourrer. T'es pas mon flow, ma gueule on sait que t'es brave. Mais tout le monde te dit que t'es grave. Et dès que tu nous vois t'es navré. C'est pas de notre faute, t'es naze, mec. On veut bien partager. Fais pas le mec qui est vénère, sinon on terrasse. T'es pas mon flow, ma gueule on sait que t'es brave. Mais tout le monde te dit que t'es grave. Et dès que tu nous vois t'es navré. C'est pas de notre faute, t'es naze, mec. On veut bien partager. Fais pas le mec qui est vénère, sinon on terrasse. C'est un monde épique de cause en osmose. Avec ce qu'il vise, qu'il représente. Mon lyric express sur la détente, intoxique ton 16ème district. C'est le 93 au père, allez viens prendre ton shit. Un flow lourd engagé pour la juste et mauvaise cause, papy. Ton conseil de rester out. Sur le ring, les challengers s'emparent du trophée. Les Batman K.R. rebraillé derrière le chrome. Qu'on épuise notre âge, qu'on laisse le brolic à gauche. Que les coups de classe détermine pas à venir chatouiller ta pomme d'Adam. Ta gaule va nous entendre pas tard. Les filles écartent leurs cuisses, faire une grosse que ghetto star. Pas de rap comme que du son dur. Mec, c'est nos vies, là où les frôlots ont payé de leur vie. Un bécane et bavure de votre police. Teste pas mon flow avant qu'il y ait carnage, bâtard. Qu'on cannibalise ta milice, grosse pute. Chez nous, on fume du shit, détruit au collal. Nous chatouille pas, on douille. On assure pour l'avenir, donne-nous des bifs avant que ça part en couille. T'es pas mon flow, ma gueule on sait que t'es brave. Mais tout le monde te dit que t'es grave. Et dès que tu nous vois t'es navré. C'est pas de notre faute, t'es naze, mec. On veut bien partager. Fais pas le mec qui est vénère, sinon on terrasse. T'es pas mon flow, ma gueule on sait que t'es brave. Mais tout le monde te dit que t'es grave. Et dès que tu nous vois t'es navré. C'est pas de notre faute, t'es naze, mec. On veut bien partager. Fais pas le mec qui est vénère, sinon on terrasse.